Dossier 3. Dis-moi qui tu es. Leçon 3. J'ai rendez-vous avec vous. Activité 1. 1. Allô, Tania ? Ah, c'est toi, François. Ouais. Qu'est-ce que tu fais vendredi ? Tu veux sortir ? Ah non, vendredi, je ne peux pas. Je vais à une soirée salsa. Et ce week-end, je ne suis pas à Toulouse, je pars faire du bateau. Alors, jeudi ? Jeudi... Oui, ça me va. On peut aller en boîte ? Au Rythmo ? En boîte, non. Pourquoi pas un bon film ? Ok, on va au ciné, si tu veux. Bon, on se retrouve jeudi à 7h, place Plumereau, et on choisit le film. 7h, d'accord. Alors à jeudi. Salut. Salut François. 2. Allô Tania ? C'est Chloé. Chloé, comment tu vas ? Bien. Dis-moi, tu es libre mercredi ou jeudi ? Une soirée karaoké avec les copines, ça te dit ? Jeudi, c'est impossible pour moi, je ne suis pas libre. Alors mercredi ? Ok pour mercredi, on se retrouve où ? Au Baratin. Tu sais, le petit bar sympa. Oui, oui, je connais. Alors, à 7h pour prendre un verre. Et après, on va au resto chinois. Le karaoké commence à 10h. J'arrive à 8h, je dois passer chez ma mère avant. C'est pas grave, on t'attend. Salut !